fumer le bec et les plumes. Et tu auras plus de poils, tu seras comme une poule. Je vais te déplumer les becs et t'as pas des jolies plumes. Mais moi, je vois le mieux que toi. Et tu dois les couver parce que quand ils sortent des œufs, ils sont tout nus. Alors va les couver, nananer. Tu dois le. Et je rentrerai dans ta maison. Et je rentrerai dans ta maison. Et t'as les plumes, elles sont violettes. Et moi, j'ai les plumes, elles sont grises et bleues et noires. Et elles sont plus belles que toi. Et je vois le mieux que toi. Des jaunes, des rouges, des oranges, des vertes, des. Quoi, t'es multicolore, si je comprends bien. Et t'as un mec qui est trop laid. Je ne suis pas multicolore, je n'ai pas de noir, ni de gris, ni de violet. Parce que le violet, c'est pas beau. Et toi, t'en as partout. T'as je suis couleurs, pas, noir, je suis pas multicolore. T'es un corbeau, t'es et ouvre-moi, et ouvre-moi, et ouvre-moi. Un corbeau, elle est un corbeau parce qu'elle pète comme un corbeau. Nananère, t'es un corbeau parce que tu cries comme un corbeau. Qui je suis pas un corbeau parce que mes enfants, c'est toi, tes enfants, c'est des poules et des chats. Et t'adoptes une chèvre. Je suis pas une poule. Et c'est toi qui adoptes une chèvre. Alors si tu en connais une, parce que.